ça y est, je m'en vais sur l'eau, tout au bout du quai, attends mon bateau. Le vent me conduira sur la mer qui scintille, au pays des rêves où la lune s'habille comme un coquillage, comme un coquillage. Donne-moi ton plus beau sourire, que je l'emmène dans mes souvenirs. Donne-moi ton plus beau souvenir, que je l'emmène dans mes sourires. J'étais un enfant, j'ai les cheveux gris, j'ai mangé des pommes, j'ai croqué la vie. Je suis invité à une autre table, j'ai envie de marcher pieds nus sur le sable d'un autre rivage, d'un autre rivage. Donne-moi ton plus beau sourire, que je l'emmène dans mes souvenirs. Donne-moi ton plus beau souvenir, que je l'emmène dans mes sourires. Par-delà l'espace, par-delà le temps, au-delà des mers et des océans, mon amour immense, de toute sa douceur, veillera sur toi et sur ton bonheur. Je pars en voyage, je pars en voyage. Donne-moi ton plus beau sourire, que je l'emmène dans mes souvenirs. Donne-moi ton plus beau souvenir, que je l'emmène dans mes sourires. Donne-moi ton plus beau sourire, que je l'emmène dans mes souvenirs. Donne-moi ton plus beau souvenir, que je l'emmène dans mes sourires, que je l'emmène dans mes sourires.